chercher des alliés ailleurs. La méfiance dans un tiroir en perdant des années. Alors qu'il était là dans mon miroir, dévêtu lors d'une mise à nu. Son regard dans le mien, comprendre mes lendemains. Sans l'influence de mes aïeux, tracer mon sillon, mes entraves. Éviter les enclaves, passer lancine en patient pour désigner mes semblables. Réviser les mantras, les idées ciblées dès l'entame. Des filles et les sans pas, savoir déguiser les entailles. Et mes deux yeux se sont posés, l'âme a voulu causer. J'ai dit oser, une arme s'est déposée. Chacun se fait défaut quand peu de mots peuvent se défaire. Plonger, faire le grand saut, se regarder de l'intérieur. Défier son ego, le faire taire. On est son pire adversaire. Se brûler les ailes aide à bien retrouver la terre. Ferme de l'air frais dans le sas. Quand le doute me désarçonne, ce reflet dans le vague n'est pas que l'écho de mes actions. Nerva. Plus qu'une ombre à travers le miroir, loin d'être un mirage. Mon autre est ma conscience qui me guide dans les virages. S'entendre est inévitable dans mon monde. Il faut savoir briser la glace pour éviter la cassure. Plus qu'une ombre à travers le miroir, loin d'être un mirage. Mon autre est ma conscience qui me guide dans les virages. S'entendre est inévitable dans mon monde. Il faut savoir briser la glace pour éviter la cassure. Si je le brise, ça multiplie les facettes. Si je le fixe, gros, je flippe de le kiffer dans la classe. D'autres fait des signes comme s'ils s'y sentaient pire qu'enfermé démoniaque. Et je pris l'ascendant sur le vrai moi. Laisse contrainte s'isoler à net que le reflet dans le miroir. J'évite les flaques, qu'en plus ça part, j'entends ses échos. Je penche pas ma tête au-dessus de la barre par peur qu'il inverse les rôles. Je suis comme Spectre, j'ai contraint l'autre à net que le spectateur. Mais sa rancœur à mon écart ne cesse de prendre l'ampleur. Moi ça se passe pendant que l'autre appelle à l'aide dans le reflet de mon fer. Heureusement que je fais plus trêve, je veux pas qu'on communique ses têtes. Vois t'as de quoi vite serré, c'est viscéré quand je vois la vie que je lui laisse. On prend son envie de switcher, mais je dois terminer ma quête. Peut-être qu'après, je lui laisserai sa chance. De toute façon, je dois bien ça. Fallait bien qu'il y en ait un de nous deux qui se cradosse les mains de bâtard. Je redoute le jour où je vais devoir leur donner sa place. J'entends s'impatienter, sale gaffe, mais je peux pas retourner dans la glace, bâtard. Plus qu'une ombre à travers le miroir, loin d'être un mirage. Mon autre est ma conscience qui me guide dans les virages. S'entendre est inévitable dans mon monde. Il faut savoir briser la glace pour éviter la cassure. Plus qu'une ombre à travers le miroir, loin d'être un mirage. Mon autre est ma conscience qui me guide dans les virages. S'entendre est inévitable dans mon monde. Il faut savoir briser la glace pour éviter la cassure. C'est tant de malheur si je le brise et j'entends vas-y cogne. J'ai apprivoisé mon emblée, chance de prier son gaz immorte. Ce bail ténébreux reflète une amère anticipée. Derrière un faux sourire, y'a un badiant qui s'y cache. Alors miroir, dis-moi, quels sont ces mirages? Trop de questions, c'est bizarre, je crois que la raison est y part. Loin de l'admiration de moi-même, infiltration de face. Et j'invite pas mon âme terne devant la glace à skipser son bras. Ouais, ouais, plus serein quand je suis face à morfler. La smoke fait des scores, la tease aussi, je vois que ma face à morfler. En principe, c'est le face à face avec WAM chaque matin. Vif, le diable m'attend et chasse ma fin de vivre. J'évite les flaques et ce qu'elles reflètent, c'est désagréable. Des idées noires existent et stagnent, moi je dérape, hélas. Je perds assez time à me contempler dans le dégoût, terre à terre. Mais le bon temps s'envole comme les envies dans des coups. Plus qu'une ombre à travers le miroir, loin d'être un mirage. Mon autre est ma conscience qui me guide dans les virages. S'entendre est inévitable dans mon monde. Il faut savoir briser la glace pour éviter la cassure. Plus qu'une ombre à travers le miroir, loin d'être un mirage. Mon autre est ma conscience qui me guide dans les virages. S'entendre est inévitable dans mon monde.